Bonsoir. Bienvenue à cette conférence ayant pour titre « Se libérer de l'illusion cosmique ». C'est un beau grand titre. Illusion cosmique. Avant de savoir s'il faut s'en libérer ou se l'accaparer ou si on veut avec, j'aimerais que tu définisses, d'abord on va y aller séparément par les mots, une illusion cosmique, qu'est-ce qu'on entend par illusion? L'être humain, normalement, entend par illusion réalité. Est-ce que l'amour, c'est une illusion? Est-ce que la haine, le pouvoir, l'intelligence, est-ce que ce sont des illusions? C'est tout ce que l'humain considère comme une réalité, bien souvent, c'est ça qui est l'illusion. Quand tu dis à une personne normale, tu lui demandes si telle chose est illusoire ou réelle, il va dire, ben ça c'est réel. Qu'est-ce qu'on entend par illusion? Ce que à peu près tout le monde entend par réalité. Est-ce que l'amour c'est une réalité? Non, l'amour c'est une illusion. La haine c'est une illusion. Qu'est-ce qui est réel? Puis qu'est-ce qui est illusoire? Qu'est-ce qui est réel? Pour qu'une personne puisse parvenir à comprendre ce que c'est que l'illusion, ce que c'est que la réalité, il faudrait qu'elle apprenne à tourner la tête. Alors, il y a une... Ça fait longtemps de ça. Il y a, dans une petite secte, il y a une femme qui a eu un enfant. Et puis l'enfant est venu au monde, mais à sa naissance, l'enfant, on l'a collé sur une planche. Très bien collé. Et puis il a grandi en longueur. Avec la planche? Un peu en épaisseur, oui, c'est ça. On lui a collé le dos avec la tête. Et puis, quand l'enfant, on l'a planté la planche là, et puis quand l'enfant était un adulte, et bien à un moment donné, quelqu'un lui a juste dit, il faudrait que tu tournes la tête. Parce que là, il est planté sur le bord de la plage, puis depuis sa naissance, il voit l'océan en avant. Puis on lui parle de plantes, de végétation, on lui parle de... Bon. Puis lui, ben, il a jamais vu ça. Alors, à un moment donné, il y a quelqu'un qui va passer, puis qui va commencer à travailler pour le sauver. C'était des pirates, puis les pirates sont tous partis, il n'y a plus rien. Et puis, il y a des capitaines de bateau qui est arrivé là, puis qui a vu une planche, puis s'est approché, puis il y avait un être humain collé après la planche, puis qui regardait l'océan. Alors, il a commencé à lui décoller la tête de la planche, il a commencé à couper la planche, puis il avait encore, était encore planté au sol. Quand il était rendu aux épaules, à un moment donné, il dit à l'autre, « Écoute, ben, t'as-tu déjà vu ça, du verre? » Ben, l'autre, il répond là. « Ben, en arrière de toi, c'est tout vert, t'as qu'à tourner la tête. » Fait que l'autre, il dit, « Tourne la tête. » Ça veut dire quoi, tourner la tête? Là, il essayait, mais il y avait encore la planche à terre. Il avait la tête libre, mais il ne savait pas ce que ça voulait dire de tourner la tête. Donc, chaque fois qu'il s'essayait, ça ne fonctionnait pas. Alors, le temps qu'on gruge toute la planche, on lui a dit souvent de tourner la tête. Et pour lui, tourner la tête, ça voulait tellement rien dire que finalement, il a jamais réussi à tourner la tête. Quand on a libéré la planche au complet, là, il a pu tourner au complet. Et là, il a découvert une forme de réalité autre. Parce que pour lui, il s'était imaginé tout ce qu'on lui avait dit, mais c'était de l'illusion. Tout ce qu'il avait à faire pour pouvoir connaître la réalité, c'est de tourner la tête. Mais vu qu'il n'avait jamais tourné la tête de sa vie, ce mot-là ne voulait rien dire. Quand tu rencontres quelqu'un puis tu veux lui expliquer ce que c'est que la réalité, si la personne est totalement habituée à voir l'illusion, la personne va dire « Comment faire pour voir la réalité? » Toi, tu peux dire « Tout ce que tu as à faire, c'est de la voir. » Mais vu qu'on regarde toujours d'une certaine façon, regarder d'une autre façon, ça ne veut rien dire. Alors, même si on t'explique bien clairement ce que tu devrais faire pour pouvoir connaître la réalité, habituellement, l'humain ne peut pas le faire. Pourquoi? Parce qu'il est trop stéréotypé. Bon, la personne, à un moment donné, elle est plus grande, puis elle dit, tout le monde me dit, à un moment donné, j'ai jeté un œil par-dessus mon épaule pour voir ce qui arrivait en arrière de moi. La personne, elle se promène, puis chaque fois qu'elle veut jeter un œil derrière son épaule, elle fait ça, elle tourne au complet. Tournant au complet, elle ne voit jamais d'épaule. Bon. Tout ce qu'elle a à faire, c'est de relaxer, de tourner la tête. On va lui dire, tourne la tête. Alors, elle va dire, c'est quoi tourner la tête? Là, tu vas lui dire, c'est regarder en arrière. Voilà, je tournais la tête, mais il n'y a pas d'épaule. Je dis, non, c'est pas tout à fait ça. Rien. Puis là, elle va dire, c'est quoi le résultat quand tu tournes la tête? Tu vois en arrière. C'est ça que je fais. C'est pas ça que tu fais. Si toi, tu peux lui donner l'exemple, tu vas lui dire, regarde, mes épaules ne bougent pas, tu tournes la tête. Elle va comprendre. Mais si la personne ne peut pas te voir, ou si tu communiques avec une radio, quelque chose comme ça, avant qu'elle puisse comprendre ce que tu veux dire. Exactement comme essayer d'expliquer ce qu'est une fleur avec ses couleurs à un aveugle de naissance. Tout ce que tu vas lui dire ne sera jamais bien compris par lui, et ça va créer chez lui une réalité qui est totalement réelle tant qu'elle ne sort pas du bonhomme ou de la bonne femme. Qu'est-ce que l'illusion? L'illusion, c'est de considérer que tout ce que nous croyons voir, entendre, sentir, goûter, etc., est absolu. Ça, c'est l'illusion. C'est-à-dire que moi, je vois ici, de l'eau dans un vase. Sauf que si je me dis, si je vois de l'eau dans un vase, tout le monde voit de l'eau dans un vase. Pourquoi? Parce qu'il y a un vase avec de l'eau. Mais ça, c'est parce que je vois l'objet d'une façon qui est collective. Tout le monde, je m'attends à ce que tout le monde voit la même chose que moi. Et si je décide que même un extraterrestre qui viendrait ici verrait la même chose, que même une personne avec quatre yeux verrait la même chose, si je décide qu'un insecte voit la même chose, je suis totalement dans l'illusion. C'est-à-dire que je suis tellement assis sur une forme d'orgueil, d'expérimentation, que ce que moi j'ai expérimenté, nécessairement, c'est absolu. Mais mis à part les insectes, ceux qui ont quatre yeux, les extraterrestres, ouais. Les autres humains, les humains qui rentreraient dans la salle ici, regarderaient ton verre, puis il y a de l'eau, puis tout le monde serait d'accord de dire que c'est un verre avec de l'eau. Oui, donc, et non. Comment? Comment non? T'as l'illusion. Même ici, il ne voyait pas un verre avec de l'eau, il voyait une tête. Parce qu'il y en a qui ont une tête en avant d'eux. Voilà, ceux qui regarderaient le verre. Ceux qui regarderaient le verre, tout le monde le verrait sous un angle différent. Mais tout le monde le verrait. Tout le monde verrait un verre avec de l'eau. Pas nécessairement. De formes différentes. Pas nécessairement. Ça serait à expérimenter et à vérifier. En plus... Parce qu'il y en a un qui ne voit pas un verre avec de l'eau, là... C'est un fou, c'est ça? Il y a un problème. Tout le monde va le voir. Regarde le gros problème. C'est que même toi, tu ne vois pas un verre avec de l'eau. Qu'est-ce que je vois si je ne vois pas un verre avec de l'eau? Présentement, tu vois uniquement une forme très collective, OK? Bon, tu te dis, toi-même, tu le dis. Oui, mais là, s'il y en a qui ne voient pas un verre avec de l'eau, là, ils sont, ben, c'est ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'étant donné que l'être humain est suffisamment télépathe, étant donné que l'être humain est relié à une conscience collective, étant donné que l'être humain a appris à voir les choses, on lui dit, ça, c'est brun. Et le mot brun que tu vois là, peut-être que tu le vois rouge. Mais tout ce que tu vois rouge, tu appelles ça brun. Tout ce qui est brun, je l'appelle brun. Quand on regarde le mur que tu vois rouge, tu dis « c'est brun ». Je regarde le même mur, je le vois brun, je dis « c'est brun ». Et on se dit tous les deux, on voit la même chose. Mais c'est parce qu'on a fait une convention pour les couleurs, pour que ce soit plus facile oui, de communiquer. Oui, mais c'est quoi l'illusion? L'illusion, c'est qu'on considère qu'on voit la même chose. Le verre qui est ici, qui te dit que tout le monde voit le même verre que toi? Tout le monde va dire « c'est un verre avec de l'eau ». Je suis d'accord. Oui, c'est la convention. La convention de l'illusion, elle permet cela. Mais qui te dit qu'il voit la même chose que toi? On dit, oui, mais crime, mais tout le monde dit que c'est brun. Oui, il y en a une qui le voit bleu, l'autre le voit rouge, l'autre le voit vert, toi tu le vois jaune, et puis on est tous d'accord. Chaque fois que je vois du jaune, toi tu vois du brun. Comme tous les deux on appelle la couleur brun, on se dit on voit la même chose. Là, tu vas dire, oui, mais on peut faire une analyse, par exemple, au niveau de la constitution des yeux, puis on se rend compte qu'il y a des cellules qui détectent la couleur. C'est intéressant. Dans le cerveau, ça fait quoi? Est-ce que c'est branché pareil? Est-ce que neuroniquement, c'est la même chose? Est-ce que ça a la même saveur psychologique? Quand on dit une personne est masochiste, elle est malade, elle n'est pas malade. Quand tu lui fais mal, l'information s'en vient et va dans une région du cerveau qui analyse le bien-être. Alors, toi, quand tu te fais masser, ça va dans la même région du cerveau et tu te dis « Ah, c'est bon! » Elle, quand on lui fait mal, bien, elle ressent « Ah, c'est bon! » Et plus tu lui fais mal, plus elle est heureuse. Mais parce que son cerveau est légèrement différent du tien, qu'est-ce qui va arriver? Bien, on va dire, vu qu'elle n'est pas normale. Puis la grande partie de la normalité, c'est uniquement de faire, comme tu as dit tout à l'heure, on va faire une convention, puis on va s'entendre sur l'illusion. Quand je dis « c'est loin », tu dis « c'est loin », mais pour moi, loin, c'est peut-être 15 pieds, pour toi, c'est peut-être 25 pieds. Mais si on finit par s'entendre, on va s'entendre. Quand on approche d'une illusion plus compliquée, est-ce que c'est brun chocolat ou brun cacao? Ou comme dirait un musée, est-ce que c'est drabe? Voilà. Là, on va commencer à s'obstiner. Pourquoi? Parce que là, on est trop... Là, les différences commencent à apparaître, et parce qu'on reste convaincu que si tu le vois durable, c'est durable pour tout le monde, puis l'autre, il voit parce que c'est brun, ce que vous voudrez, c'est comme tout le monde, eh bien là, on commence à dire, ben non, Christy, tu connais pas tes couleurs. Tu vois mal. Ouvre tes yeux. Bon, puis là, ce qu'on essaie de faire, c'est de te manipuler pour que tu pénètres dans mon illusion. Mais c'est qui... De toute façon, entre, disons qu'on serait 10 personnes à regarder la couleur, puis on l'appellerait de 10 façons différentes, les 10, pour eux, auraient raison. La réalité, elle reste réelle tant qu'elle ne sort pas à l'extérieur. Une réalité est totalement réelle si elle n'est pas confrontée à une autre réalité. L'illusion est de croire que ta réalité est absolue. Cela veut dire que lorsque tu parles d'un Dieu, tu es dans l'illusion. Est-ce que l'illusion, c'est de dire que le mur est brun ou de penser que tout le monde pense que le mur est brun? Non. L'illusion n'est pas de dire que le mur est brun. Ça, c'est une réalité. L'illusion est de penser que c'est évident que c'est brun. OK. C'est la même chose. On parle de l'amour. L'amour est une illusion. C'est sûr que tant que tu es chez toi avec ton concept d'amour, ça va. Mais à l'instant où tu communiques avec quelqu'un d'autre, tes problèmes vont commencer. La haine, c'est la même chose. Bon, des fois, une personne que tu hais tombe en amour avec toi. Même là, ça ne marche pas. Bon. Les dieux, c'est la même chose. Le travail, c'est la même chose. La vision de la vie, la mort, la naissance, tout ce que l'humain peut concevoir, tout ce que l'humain communique, tout ce que l'humain perçoit est même là une illusion. Une illusion cosmique, maintenant. Cosmique, c'est quoi? Illusion cosmique, c'est que c'est une illusion d'ensemble, une espèce de, comme tout à l'heure tu disais, c'est une convention de réalité. Le gros danger des illusions cosmiques ou du mensonge cosmique, c'est que l'être humain étant expérientiel, c'est-à-dire se construit à partir d'expériences, à un moment donné, on finit par être fatigué de s'obstiner et on fait une convention. Lorsque chaque personnage en aurait des divinités différentes, Moïse est arrivé, il a fait une convention, il a appelé ça monothéisme. Bon. Plus ça va, plus l'humanité essaie de faire des conventions. Des conventions, ce que ça veut dire normaliser l'illusion. Normaliser l'illusion, ça veut simplement dire que tu dois admettre que l'illusion des 10 millions de personnes qui sont là est une réalité, parce qu'ils sont 10 millions à croire cela ou à voir cela, et que tu es tout seul, toi et tes 20 000 personnes dans ta secte à voir différemment. Donc, si tu es un être intelligent, tu devrais te rendre, devenir raisonnable, te rendre à l'évidence, tu te trompes. Normaliser l'illusion veut dire s'arranger pour que la majorité des individus cessent de s'obstiner en fonction de leur vérité, de leur réalité, et on s'entend tous sur une espèce d'explication, soit scientifique, cartésienne, théologique, intuitive, émotive, d'une mécanique, d'une perception. Et on s'entend là-dessus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que maintenant, on s'entend tous pour dire, si je suis animateur de radio, je dis, bon, fin de semaine, on annonce du mauvais temps. Donc, tout le monde s'entend, mauvais temps, on sait ce que c'est de la pluie ou de la neige, etc. Bon. Alors, ça, c'est l'illusion cosmique, même cosmique dans le sens d'ensemble. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je dis, en fin de semaine, il fera extrêmement beau, il pleuvra le samedi au complet. Les personnes, peut-être, se diraient, « Bon, ben, crime, c'est vrai, de l'eau, on en a besoin. » Mais parce qu'à un moment donné, on s'est entendu pour décider que c'est le soleil qu'on avait besoin, alors que le soleil donne le cancer, alors que le soleil dessèche les terrains, tue les cultures, etc. Mais ça fait vendre la crème à bronzer, c'est du beau temps. On vend plus de choses par beau temps que par mauvais temps. Hein? Bon, on vend quelques parapluies, mais quand même. Et on s'est entendu dans l'illusion. Maintenant, quand l'humain voit qu'il pleut, il est de mauvaise humeur, il se met à chialer. Pourquoi? Parce qu'il est normal. Un être humain qui trouverait ça beau. Quand j'étais jeune, souvent, on me disait ça. On me disait, puis dehors, comment il fait? Moi, je dis, ah, il fait très, très, très beau, c'est merveilleux, il pleut. L'homme me disait, ah oui, merveilleux, ouais, c'est... Là, on essayait de... Tu niaises, tu sais. Il pleut, c'est du mauvais temps. Puis là, moi, je leur disais, ben non, c'est du beau temps, les grenouilles adorent ça. Et puis là, on me disait, on essayait toujours de me rendre normal. L'illusion cosmique... Ça n'a pas marché. Non, je suis resté naturel. L'illusion cosmique, c'est ça. C'est quand on arrive à s'entendre tout le monde sur le mensonge. Alors, parce qu'on s'entend tous sur un mensonge, nécessairement, Pour nous, c'est la vérité. Est-ce que la création, c'est une illusion cosmique? Ben, la création est une illusion en fonction de ce que l'humain en perçoit. L'humain peut percevoir la création comme étant une mécanique créée par une personne qui s'ennuyait. Bon, Dieu, hein? Dieu, à un moment donné, s'ennuyait devant sa télévision, où on n'est pas de télévision, mais enfin, Dieu, un jour, créa le ciel et la terre. Pourquoi? Ah, parce qu'il nous aimait. Ben oui, mais il n'était pas encore créé, il ne nous aimait pas encore. Dieu créa les insectes pour que les oiseaux les mangent. Dieu créa les oiseaux pour que les renards les mangent. Dieu créa les renards pour qu'ils crèvent de faim lorsqu'il n'y a plus d'oiseaux. Dieu créa la brebis pour qu'elle se fasse attaquer par le loup. Dieu créa l'homme pour qu'il se fasse chicaner par sa femme. Bon, Dieu créa plein de choses. Bon. Et par la suite, Dieu dit, vous êtes libre de choisir entre le bien et le mal. Voici le mal. Et après ça, Dieu dit, je vais créer des mécaniques qui vont dire à l'homme, si tu prends le mal, tu seras comme Dieu. Et je ne créerai aucune mécanique disant à l'homme qu'il y a un danger là-dedans. Tu sais, c'est comme je dis souvent, tu mets deux enfants de 3 ans dans une clôture, dans un petit enclos, tu leur donnes un couteau ou un revolver chargé à bloc, et tu leur dis, utilisez-le pas. Bon. Là, à un moment donné, ben, il est mort, tu punis l'autre. Parce qu'il n'a pas compris. Il ne fallait pas l'utiliser. Ce genre de Dieu-là, il ne serait pas un bon éducateur. Tu ne donnes pas le revolver chargé à bloc à tes enfants, c'est plus facile. Fait que ce sont mots que dit arbre qui est planté au milieu du jardin, il aurait drôlement mieux fait de le foutre ailleurs. À moins que Dieu soit manipulé. Ah, bon. L'être humain a une illusion. Krishna ne sauve que le mâle. Dans une vision de Krishna, la femelle n'est là que pour servir l'homme, et si après plusieurs vies réincarnatives, elle sert totalement l'homme, peut-être, théorie, que Krishna va lui permettre de se réincarner dans un homme qui seul peut être sauvé. Et Krishna les sauve en ramassant la couette qu'il se garde ici, et il les tire dans son monde à lui. Bon, c'est une vision. Est-ce que c'est une réalité pour eux? Oui. Où elle est l'illusion? C'est qu'ils sont convaincus que c'est absolu. Bon. Les catholiques parlent de résurrection, on parle de faire ceci, cela, etc., si on veut être convenable. Les mormons parlent d'autres choses, les musulmans parlent d'autres choses, et on a plusieurs sectes, ainsi que finalement, chaque individu est une secte à lui seul, parce qu'il a toujours une vision un petit peu marginale de sa religion. Ça, c'est une illusion entre eux, dans leur secte, c'est la vérité, mais à l'extérieur, c'est une illusion. Mais globalement, si on le regarde de façon... Ben, globalement, il faut faire une chose... Est-ce que la création est ou n'est pas une illusion? Bon, il faut comprendre que... Et quand on parle de l'illusion, ça crée toujours des chocs chez les individus qui écoutent. Pourquoi? Parce que la personne, chaque être humain, est bâti de mémoire. C'est-à-dire que l'être humain... Si je dis, par exemple, que le Graal est une cochonnerie, ça frustre possiblement personne. Si je dis que Krishna est une cochonnerie, ça frustre possiblement personne. Si, à un moment donné, il y a un mormon ici, je dis Moroni est une cochonnerie, ça va frustrer quelqu'un. Si on a un catholique et que je dis que le Dieu catholique est un imbécile, ça va le frustrer. Pourquoi? Parce que, et c'est là le problème, l'être humain est tellement orgueilleux et limité dans son orgueil qu'il considère comme étant réel ce qu'il a appris. Si je viens au monde dans une forme de famille, dans une forme de religion, et que la religion est suffisamment intégrative, elle m'intègre, je n'ai pas le choix, j'apprends à coups de strap à aimer Dieu, je finis par avoir Dieu tellement chez moi que c'est évident que je considère que Dieu existe, mais... Si je serais né d'une autre religion, je serais aussi fidèle et aussi fervent dans celle-là. Et là, l'humain va dire, oui, mais c'est une question de vérité. Tu devrais entendre la bonne parole. Si je viens au monde au sein des témoins de Jéhovah, je ferai sans doute du porte-à-porte plus tard. Si je viens au monde au sein des Krishna, je ferai sans doute la cuisine plus tard. Bon. Si je viens au monde dans une religion catholique, possiblement que je sécherai l'Église plus tard. Mais chaque, dépendant d'où je viens au monde, j'aurai une vision. Si je viens au monde dans un corps de noir, jamais je ne détesterai les noirs. Si je viens au monde dans un corps chinois, jamais je ne détesterai les chinois. Si je viens au monde dans un corps de blanc, je ne détesterai pas les blancs. Par contre, et ça fait partie de l'illusion cosmique, c'est qu'on finit par dire, ben oui, mais c'est évident que Dieu existe. Mais si je serais né dans un endroit où Dieu n'existe pas, je dirais, voyons, c'est évident que Dieu n'existe pas. Et je pourrais te le prouver, possiblement plus encore que ceux qui disent que Dieu existe peuvent me le prouver. Si je viens au monde dans une famille qui considère le phénomène extraterrestre ou intraterrestre comme une réalité absolue, eh bien, possiblement que j'en rencontrerai des intras ou des extraterrestres. Mais si je viens au monde dans une gang de sceptiques, intellectuels, donc intellectuels, eh bien, je serai toujours en train de péjorativer, de juger péjorativement tous les individus qui ne seront pas de mon clan. Et chaque fois, si je change de personnalité, chaque fois, j'aurai la vérité et je serai dans la réalité, selon moi. Le mensonge cosmique, il est plus grand, il englobe encore tout ça. L'illusion, à ce moment-là, elle appartient à l'ego et au corps. De la façon dont tu le décris là, c'est que si j'intègre un corps de noir, ben la vérité, pour moi, c'est la vérité d'un noir. Si j'avais intégré le corps d'un blanc, la vérité serait celle d'un blanc. Absolument. Mais quand tu dis si j'intègre ou si je vais dans un corps d'un tel ou d'un tel, c'est l'esprit qui va là. Les mémoires surtout. Qui font que l'humain s'exprime. Mais qui va s'exprimer à travers le corps et l'ego? Juste de l'ego. À travers l'ego, il n'y a à peu près aucune forme d'intelligence qui s'exprime. Ça commence chez l'humain aujourd'hui. Mais d'ailleurs, l'esprit est totalement libéré du mensonge cosmique. D'ailleurs, c'est ce qui va faire en sorte que si on explique le mensonge cosmique ou l'illusion cosmique, l'individu qui arrive à comprendre, sans trop souffrir ou sans souffrir, nécessairement, il a juste un peu d'intelligence, il commence à venir néotyper, créer de nouvelles formes au niveau de son ego, donc de sa psychologie, donc de son âme. Si, dans le mensonge cosmique ou l'illusion cosmique, l'illusion fondamentale, c'est que l'être humain se fie uniquement à son expérience sans s'en rendre compte. C'est ça qui est le danger. C'est que l'humain qui va à l'école et qui apprend certaines choses, lorsqu'il sort de l'école, il est convaincu que c'est la vérité, que c'est la réalité. Le mensonge cosmique omnubile toute l'humanité, avec une exception de 0.000012. Bon, l'humanité est omnibulée. Pourquoi? Simplement parce que chaque être humain reste convaincu. Qu'il a une conscience totalement libre, alors qu'elle est totalement assujettie à son éducation et à ce qu'il reçoit comme expérience. 2, il est totalement convaincu que tout ce qu'il vit, lui, est de la réalité. Bon. 3, il est totalement convaincu que tout ce qui est traditionnel et ce qui vient du passé est souvent égal, sinon meilleur, que ce que nous faisons dans le présent. Bon. Et il est totalement convaincu qu'il a un libre arbitre absolu dans le contexte planétaire. De ce fait, l'humain devient culpabilisable, l'humain devient charriable, l'humain devient manipulable, et l'humain est toujours en quête de confirmer pour lui sa réalité. Et une des bonnes façons de confirmer sa réalité, c'est de convertir les autres à sa réalité. C'est ce qui fait que l'humain est souvent en guerre d'ego et toujours en train de vouloir avoir raison. On ne veut pas avoir raison sur quelqu'un d'autre. On veut continuer à penser qu'on a raison. Une grosse nuance. Se vérifier. Ben, se confirmer. Vérifier sa croyance ou sa vérité. Même pas la vérifier, parce qu'il n'y a pas une seule personne. Bon, prenons l'exemple. Il n'y a pas un religieux qui va se risquer de venir vérifier sa religion avec moi. L'humain ne veut pas vérifier s'il a raison. L'humain veut se voir confirmer qu'il a raison. Alors, si quelqu'un vient me voir pour se voir confirmer, il va se voir confirmer des choses, mais pas nécessairement tout. L'humain veut se voir confirmer. Comme un vendeur. Le vendeur, qu'est-ce qu'il fait? Le vendeur, il se dit, je vends un aspirateur, et puis, quand il a réussi, il sort de là, puis il est fier de son coup. La journée qu'il n'est pas capable, il risque de tricoter, de revenir, de tout faire pour y vendre l'aspirateur à ce client-là. Parce que s'il n'est pas capable, il ne sait plus du tout qu'est-ce qu'il vaut. Parce qu'un échec, deux échecs, tu ne sais plus. Le vendeur ne sait plus. Sa réalité, elle est comme le témoin de Jéhovah ou comme la majorité des humains. Il doit, pour pouvoir se supporter, continuellement la revérifier. Exactement comme dans l'illusion de l'amour. M'aimes-tu? Tu me dis oui, parfait. Demain matin, m'aimes-tu? Tu me dis oui, parfait. Un mois après, m'aimes-tu? Bon, toute ma vie. Pourquoi? Parce que je ne serai jamais sûr de l'illusion que j'appelle vérité. Je dis souvent que la coloration de la réalité, c'est la vérité. La coloration de la vérité, c'est le mensonge. Bon. Commençons ça là. La coloration de la vérité, c'est la vérité, puis en même temps... La coloration de la réalité, c'est la vérité. de la réalité, puis la coloration de la réalité, c'est aussi le mensonge. Ben absolument, parce que la coloration de la vérité, donc de la réalité, c'est le mensonge. Qu'est-ce que c'est le mensonge? Quand un être humain décide de prendre une vérité, qui est une coloration de réalité, donc c'est une vérité qui est locale, ce n'est pas une vérité qui est absolue, quand il prend cette coloration de réalité, sa vérité à lui, et qu'il décide maintenant de la changer pour qu'elle ne serve que ce qu'il est lui. Ça devient totalement un mensonge, c'est-à-dire que c'est même plus en affinité avec ceux qui, à l'origine, sont capables de concevoir la même vérité. C'est un mensonge. Autrement dit, si je dis, moi, que Jésus-Christ était un homosexuel, c'est pourquoi il y avait juste des apôtres masculins avec lui, eh bien, la majorité des personnes qui seraient, je suis dans la même vérité qu'eux, le Nazaréen a existé. Jusque-là, ça va. Le Nazaréen était peut-être un fils de Dieu, tu sais, je suis dans la même vérité. Mais le Nazaréen était un homosexuel, j'en suis peut-être un, moi, disons. Alors, je me l'approprie. Là, pour tout le monde, c'est du mensonge. Le mensonge est une vérité très, très, très locale. La vérité est une réalité locale. Et la réalité est une réalité qui est absolue. Absolue veut dire que toutes les illusions sont englobées dans la réalité. Et tout ce que l'humain n'a pas conçu est encore englobé dans la réalité. Réalité veut dire qu'un être humain qui touche à la réalité est capable de voir que le témoin de Jéhovah a raison. Il est capable de voir que le mormon a raison, que les catholiques ont raison, que les athées ont raison, que les réveillés ont raison, que les imbéciles ont raison. Il est capable de tout voir ça. Parce qu'ils peuvent passer d'un bord. Oui, mais ils ont raison. La problématique, encore une fois, c'est que c'est une raison qui est locale. Lorsque on parle de se libérer, par exemple, de l'illusion cosmique, ça veut dire que l'on doit accepter, c'est important, accepter de percevoir et de voir, d'entendre, de sentir, de goûter, de toucher le monde d'une autre façon. Mais quand je dis d'une autre façon, ça ne veut pas dire qu'on doit se développer une façon de le faire. Ça veut dire qu'on doit simplement le faire sans se servir de la façon qu'on a développée pour colorer. Bon. Quand un individu voit une maison, il peut trouver, bon, dernièrement, j'étais avec une personne qui travaille dans une maison d'édition, et elle a écrit un livre de généalogie. Ils ont publié un livre de généalogie. Le livre de généalogie a une couverture ordinaire, carton un petit peu mou, bon, glacé, etc., laminé. Et elle a vu, au salon du livre, un autre kiosque, et là, il y avait une autre édition qui avait aussi des livres de généalogie, dans des couvertures cartonnées, épaisses, rigides. Premier commentaire, tu sais comment c'est niaiseux d'imprimer ça dans des cartons de carton rigides de même. Ça coûte plus cher, puis les gens n'ont pas besoin de ça. Mais je suis convaincu, moi, que si t'en vas dans l'autre kiosque, puis il regarde celui-là, tu vois que Maxi, la généalogie, tu sais, c'est important. Une famille qui achète ça, ils lisent ça longtemps, puis les autres, ils traînent ça dans des reliures ordinaires de la colle, puis des reliures qui vont plisser à longue. Les deux sont totalement vrais. Les deux ont raison. Sauf que chaque ego a tendance à voir le monde comme il l'a appris. Si lui voit que c'est convenable comme ça, quand il regarde chez le voisin, il ne sait plus si c'est convenable. Alors il doit se confirmer que c'est convenable. Comment? L'autre est un imbécile. C'est la façon que lui-même fonctionne. Lorsque on voit le monde, tu vois d'autres livres et tu les vois tels qu'ils sont. Tu ne les vois pas colorés avec ce que tu as. Donc, je dis bien que pour se libérer de l'illusion cosmique, on ne doit pas développer une méthode. On doit abandonner les méthodes qu'on a apprises dans l'éducation de la façon de voir le monde. Mais dans ton exemple, qu'est-ce que ça dérange? Qui ça peut déranger que l'éditeur trouve que l'autre livre est publié de façon imbécile? Mais ça dérange tout le monde. Mais comment ça? Parce que l'éditeur, lui, quand il voit que sa femme ne rentre pas à 9h, là, tu sais, la voisine, elle rentre à 9h. Bon. Quand l'éditeur, il voit que ses enfants n'ont pas les notes qu'ils devraient avoir à l'école, là, hein, puis il y en a qui sont meilleurs que lui, là, il sait ça. Bon. Quand l'éditeur, il voit que son automobile, là, est plus rouillée que celle du voisin, là, il sait. Il vit comment il souffre. Il passe sa vie à souffrir dans l'illusion, dans la comparaison totale, puis il meurt de toute manière sans jamais avoir su c'était quoi. Bon, le catholique, son lit de mort, lui, tu sais qu'il est en train de mourir, tu lui passes une vidéo de toutes les religions de sa planète, puis à la fin, c'est écrit « Choisis vite, il te reste 30 secondes. » Tu vas voir à quoi ça sert. C'est pas une banalité, c'est une façon de vivre. L'humain vit d'une façon axée sur l'illusion. Chaque être humain entretient son illusion parce que dans l'illusion, il y a l'entretien de mémoire. Les mémoires sont un grand constituant de l'âme, donc de la psychologie de l'ego. Et l'humain, entretenant cela, il entretient une forme de sécurité qui est toujours en train de mourir, parce qu'on l'a déjà vu dans l'âme, dans la psychologie de l'individu, tout ce qui n'est pas répétitif tend à disparaître, se transformer en énergie vitale. L'humain oublie. Alors, si l'humain oublie, il se ramasse toujours un peu nouveau-né. Pour éviter d'être un nouveau-né, tu cumules de la mémoire, puis là, tu n'es pas un nouveau-né, tu es un être humain expérimenté et tu fonctionnes. Si tu n'avais plus de mémoire, si tu n'avais plus de mémoire, tu n'aurais pas d'illusion? Non, si tu n'aurais plus de mémoire, tu serais dans la réalité totale, mais si tu n'as plus de mémoire et que tu n'es pas en contact avec ton esprit, avec le phénomène supramental, tu ne peux être efficace dans une société comme la nôtre. Mais si tu n'avais plus de mémoire, puis que tu ouvres la porte, puis que le premier que tu rencontres, c'est un, disons, un témoin de Jéhovah, puis que lui t'explique la vérité, qui est la sienne, mais pour lui, c'est là, celui qui l'écoute la première fois, qui n'a pas de mémoire, il va embarquer là-dedans, puis il va tomber dans l'illusion de toute façon. Non, tu dis qu'il n'y a pas de mémoire. Temporairement. Qu'il n'y a pas de mémoire. Toi, les points de vue. Okay, moi, voilà, oui, c'est pas ça. Pas de mémoire, mais il va temporairement embarquer avec lui. Même pas. Il va écouter tout ce que l'autre va dire. Quand l'autre aura fini, il va dire « Qui êtes-vous? » Il n'a pas de mémoire. Ou bien, il n'a plus d'expérience. Une forme de zombie. On va dire plus d'expérience. Il est lavé. Alors, exactement. On vous élimine toutes les conceptions théologiques et cosmologiques, cosmogoniques. Et puis, par la suite, on vous fait rencontrer n'importe quel religieux de n'importe quelle religion. Il va vous expliquer ce qu'il y en est. Vous allez trouver ça génial. C'est évident. L'humain, l'intellectuel, va dire, ah oui, mais c'est sûr qu'on trouve ça génial, on n'a pas de facteur de comparaison. À quoi ça nous sert de comparer si on n'a pas toutes les informations de l'univers? C'est comme si je compare un morceau de métal rouillé avec un morceau de métal cassé. On va dire, quand même, c'est bien mieux quand c'est rouillé, c'est le summum. Et puis là, je fais un choix. Ou encore, j'ai tellement pas d'informations sur toutes les religions, sur même la création de l'homme. Qu'est-ce que je fais? Je prends le peu d'informations que les humains sont capables d'avoir, et à partir de là, je me fais une opinion et je choisis. Voyons donc, tu choisis rien, pas d'autre. Je te donne, moi, il y a un Kleenex ici qui est blanc, puis un Kleenex qui est bleu. Tu veux te moucher, lequel tu prends? Tu dis, bien, on va prendre le blanc, il n'y a pas de colorant dedans, c'est mieux. Oui, mais tu sais pas que dans le blanc, tu as de l'éther. Fait que quand tu te mouches, tu t'endors, tu tombes à terre. L'humain va dire, ah oui, mais je ne savais pas. Mais c'est ça. Et c'est toujours le gros problème fondamental d'une théologie, c'est que qui te dit que tu as raison? Mais pour être dans la réalité, comme tu dis là, il faudrait tout savoir. Non. Il faudrait rien savoir d'abord. Mais c'est ça. C'est plus facile de rien savoir que de tout savoir. Ça mais dans les deux cas, tu aurais raison. Non. Ce ne serait pas une illusion. Ben, dans les deux cas, tu as raison, oui, sauf que tu ne pourras pas atteindre le tout savoir en tant qu'expérience. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire que la cassette que tu as, la mémoire que tu as, est insuffisante et n'est pas suffisamment énergisée, c'est-à-dire qu'elle ne peut pas s'entretenir. Tu as oublié énormément de morceaux au fur et à mesure que tu vas en mettre, parce que l'énergie qui est là doit servir à créer la mémoire de l'énergie qui est en haut. C'est que pour développer sa mémoire, il faut apprendre à oublier les choses inutiles. L'être humain, il y a beaucoup d'humains qui n'ont pas de mémoire parce qu'ils ont trop de mémoire. Leur schéma mémoriel est tellement occupé par tellement d'affaires inutiles qu'ils ne sont pas capables d'en apprendre plus. Ils doivent apprendre à oublier pour pouvoir apprendre d'autres choses. Bon. Que la mémoire est limitée en espace, elle est en quantité d'informations. Absolument. Mais sauf que la mémoire est limitée en quantité d'informations, mais ce n'est pas égal chez tout le monde. Il y a des êtres humains qui ont une mémoire qui semble phénoménale, elle est limitée. Mais tant qu'il ne l'a pas remplie, ça paraît pas. Mais quand on dit développer votre mémoire, ça veut dire, que ça veut dire qu'on peut créer des nouveaux... des nouvelles correspondances. Absolument pas. Ça veut simplement dire que tu développes des façons de te rappeler. Développer sa mémoire, c'est surtout développer des façons de se rappeler. Mais, à un moment donné, on devrait aussi t'enseigner comment... oublier certaines choses pour que le reste rentre. C'est facile de retenir une chose. On te donne un numéro de téléphone, il est mémorisé. T'en rappelles-tu? Non. Mais il est mémorisé. Si on t'hypnotise, on peut le sortir. Et il est mémorisé. Tu ne t'en rappelles pas. Développer sa mémoire, c'est développer la souvenance. L'être humain qui doit, pour être libéré du mensonge, donc de l'illusion cosmique, devrait apprendre tout. C'est-à-dire qu'il devrait... Regardez ce que c'est. J'ai 5 ans, je me promène sur la rue, et c'est l'Halloween. J'ai un sac de bonbons aux 3/4 plein, et à un moment donné, sur un coin de rue, je tombe nez à nez avec, moi j'ai 5 ans, je tombe nez à nez avec 2 noirs de 12 ans. Il y en a un qui me donne une claque en plein visage, mon sac tombe à terre, l'autre le ramasse, puis celui qui m'avait frappé, il me donne un bon grand coup de pied qui m'envoie à terre. L'année d'après, je me repromène encore, et puis avec mon sac, je l'ai vidé un peu à la maison, et puis dans une grande rue, je me fais attaquer encore par 2 noirs. Je déteste les noirs, parce que dans ma tête, rendu à 6 ans, noir est synonyme d'agression, de violence, de souffrance, de douleur. Là, immédiatement, je vais en parler à d'autres blancs. Les autres blancs, plusieurs vont me confirmer que le noir, c'est une race bizarre et même dangereuse qu'on devrait éliminer. Surtout si je rencontre des gens du Klan, nécessairement, ils vont me dire que j'aurais même dû me promener avec 5 ans avec un revolver. Blanc, c'est possible, le revolver. Bon. Maintenant, j'ai 25 ans. Je conduis mon automobile, c'est l'hiver, je dérape sur l'autoroute, je frappe un arbre et je reste pris dans mon automobile. Là, j'espère qu'on va venir à mon secours. Je suis à moitié perdu et j'ai les yeux un peu ouverts et subitement, je vois des lumières de gyrophares d'autopatrouille qui arrivent, peut-être d'ambulance, je ne sais pas trop, de pompiers. Je suis tout heureux. Et là, juste en perte de connaissance, je vois une face de noir qui apparaît devant mon pare-brise qui est fracassé un peu, un grand noir qui me regarde et je perds connaissance. Imagine-toi l'horreur de ma situation. Par la suite, je me réveille à l'hôpital. Tu perds connaissance, c'est un trou noir. Et oui. Je me réveille à l'hôpital et le comble de l'horreur, c'est un noir qui apparemment, il s'écrit DR quelque chose, docteur machin, c'est un noir. Qui de ses mains plutôt brunard vient me toucher, prendre mon pouls. Mon poids accélère, évidemment. Bon. Et là, j'apprends par la suite que l'auto brûlait, il y avait un incendie, que le premier intervenant était un policier de la Sûreté du Québec, un noir, qui lui a risqué sa vie, d'ailleurs il a été brûlé assez gravement aux mains, en me sortant de l'automobile, que je dois ma vie à ce noir, que j'avais une perforation, un écartement de la rate, que j'avais, plusieurs problèmes. Puis le chirurgien qui était de garde le soir, c'est le médecin que j'ai vu tout à l'heure, qui était encore un noir, qui, lui, extrêmement fatigué, a quand même s'est drogué au café, puis a pris tout ce qu'il fallait, puis finalement a réussi à me stabiliser, puis à faire en sorte que je n'ai pas de problème majeur après mon hospitalisation. Là, quand je sors, à un moment donné, j'ai une toute autre vision du noir. Par contre, toutes les informations que j'avais avant cet accident faisaient que c'était tellement évident, c'était mathématique. J'aurais mis ça dans un ordinateur et j'aurais dit, que pensez-vous du noir? L'ordinateur aurait dit, yark, ou bien non, il aurait planté. Bon. Maintenant, après mon accident, je rajoute les informations et l'ordinateur me dit, il y a des noirs qui sont bons et des noirs qui sont mauvais. Et là, parce que je suis un humain, je vais aussi extrapoler, il y a... Là, je me rappelle ma grand-mère, je me rappelle peut-être ma mère, je me rappelle les voisins. Il y a aussi des blancs qui sont bons, des blancs qui sont mauvais. Et un jour, je me promène dans le quartier chinois et je me fais attaquer par un karatéka chinois qui me casse la gueule. Alors là, les noirs, ça va, les blancs, ça va, mais les chinois, les jintok. Ça, c'est l'humain. L'humain doit donc prendre 75 ans peut-être de sa vie pour, un peu plus tard, s'il a vécu certaines formes d'expérience, pouvoir dire, l'humain n'est pas si mauvais que ça. L'humain peut... Bon, son illusion s'est agrandie, c'est-à-dire qu'il commence à rejoindre les limites de l'illusion cosmique. Il lui reste encore 2, 3 ou 4 milliers d'années à vivre pour pouvoir peut-être rejoindre une partie de l'illusion planétaire. Mais vu qu'il meurt, il ne pourra pas le faire. La libération plus grande ne sera pas de dire que les humains ne sont ni bons ni mauvais, mais sont humains? Non, c'est de rien dire. Pourquoi vous n'êtes pas capable de voir qu'il pleut et de voir qu'il pleut? De voir un noir et de voir un noir? De voir un blanc et de voir un blanc? De voir un jaune et de voir un jaune? Pourquoi on n'est pas capable, quand on prend de l'eau, de la trouver chaude et de dire bon, on la met là et c'est tout? Mais pourquoi faut qu'on en fasse toujours un drame? Pourquoi on n'est pas capable de voir un enfant qui renverse son verre de lait sur la table et on n'est pas capable de le considérer comme bon, c'est renversé, c'est renversé. Pourquoi on n'est pas capable de se promener dans la rue, et puis à un moment donné, il y a un gars qui t'attaque, et puis le gars, il a un couteau, puis le gars, il veut te tuer, puis toi, tu es policier, par exemple, tu sors ton arme à feu, tu lui dis, si tu avances, je vais tirer. Le gars, il barre presque, il te saute dessus, tu le descends, tu mets ton arme à feu là, mais tu ne l'as jamais haï, le gars. Ça, c'est la réalité. Tu n'as pas besoin de crier, tu n'as pas besoin de sécréter endocrinalement, tu n'as pas besoin de toujours juger. Quand on voit quand tu vois en sortant chez vous que le bel arbre ou la belle plante que tu as plantée maintenant est morte, n'es-tu pas capable de simplement l'ôter? De la jeter, puis de réparer le trou, d'en mettre un autre. Non, il faut toujours qu'on fasse un dialogue avant. Hein? Bon. N'es-tu pas capable, lorsque tu te réveilles en plein milieu de la nuit, tu te rends compte que tu dors pas, que ça passe dans ta tête. Tu es manipulé encore par ce que l'humain appelle la pensée, sa pensée, mais qui n'est pas sa pensée, parce que c'est pas lui qui contrôle. Et puis, à un moment donné, tu te retournes quelquefois dans ton lit, mais il faut qu'on chiale quelque part là-dedans. Et je ne dis pas de faire une philosophie de la tolérance, une philosophie de l'acceptation dans le genre, je veux accepter ce que je peux pas changer, puis changer ce que je peux changer. L'humain ne doit même pas se faire une philosophie de beauté. Ça serait de la soumission. Oui, l'humain ne se soumet pas. On doit apprendre à tourner la tête. C'est simple. Mais en même temps, il faut qu'on comprenne ce que ça veut dire. Juste le fait d'être capable de sortir, par exemple, à l'entraque, et, bon, quelqu'un nous bouscule, puis on sort! Est-ce que l'idée de sortir était que si quelqu'un nous bousculait, d'arrêter puis de le regarder? Mais c'est ça qui se passe en humain. Ou de s'excuser. Bon, c'est un paquet de trucs dans le genre. Tu sors. Bon, tu viens pour aller aux toilettes, il y a plein de monde. Que tu aies énormément envie, pas toi, mais ton corps physique, ou non, ça ne change rien. Mais regarde encore que l'humain commence encore à y aller. Bon, ça c'est l'illusion. Pourquoi? Parce que chaque fois qu'il pense ou qu'il parle sans conscience, il crée de la mémoire. Donc c'est comme si une personne se répétait tous les matins, les noirs sont dangereux, les noirs sont dangereux. Après 20 ans, il aura peur des noirs en maudit. À 5, il va même sauter sur sa femme ou son mari quand elle va rentrer la nuit. On va le voir qui est loin. Mais si, c'est si, pas une lumière. Est-ce qu'on peut libérer des mémoires? Ces mémoires-là, par exemple, dans l'exemple que tu disais tantôt. Ça ne vaut même pas la peine, on peut faire mieux. Ben, les enlever, tantôt tu disais qu'il faut enlever. Mieux. Il faut enlever. Il ne faut pas faire mieux. OK, il ne faut pas faire mieux. Mérite-toi. D'accord, vas-y. Il faut enlever des mémoires pour laisser de la place aux autres, à l'autre information. Non. C'est pas ça que tu as dit. Oui. C'est pas ça qu'il faut faire. Mais c'est pas ça qu'il faut faire. Okay. Non, pour développer sa mémoire, c'est correct. Mais pas pour se libérer d'une illusion. Cette illusion, elle est fondamentale. Regardez comment fondamentale elle est. Quand je dis, par exemple, à un être humain, bon, dans le séminaire, il y a des personnes qui posent des questions qui sont assez drastiques et dramatiques, et puis les réponses sont souvent à la hauteur de leurs questions. À un moment donné, l'humain découvre totalement, bang, bon, que l'amour est une forme de possession égoïste, orgueilleuse, et que si un homme ou une femme reste avec toi, c'est uniquement pour ce que tu lui rapportes. La journée que tu ne lui rapportes plus rien, il ne veut plus rester avec toi. Mais parce qu'il a expérimenté ta présence lui rapporte encore quelque chose. Mais là, il va peut-être commencer à agir différemment. Bon. Si, par exemple, c'est simple, c'est facile à vérifier. Ceux qui restaient en couple, vous avez juste à ce soir, par exemple, bon, ceux qui ont de la barbe, vous raser, vous taillez les cheveux en bleu, et puis arriver avec une botte mauve, puis un pied nu. Vous rentrez chez vous à soir. Bon. Les femmes, c'est la même chose. Vous vous organisez le visage comme il faut. Vous mettez, mettez du rouge à lèvres autour des yeux. Amusez-vous. Rentrez chez vous. Et là, vous allez dire à votre conjoint, maintenant, c'est comme ça, il va falloir que tu m'acceptes. Vu que tout ce que vous lui avez rapporté, et vous lui rapportez plus de la même façon, vous allez voir qu'il va y avoir immédiatement une lutte. Quand une personne se rend compte que, finalement, l'amour... J'ai déjà rencontré un psychologue, moi, qui voulait se suicider, d'ailleurs, qui a pris plein de médicaments, pour se suicider parce que, subitement, il avait découvert que l'amour sur la planète Terre, tel qu'on le philosophie, n'existe pas. Il a voulu m'expliquer ça avant de mourir, puis moi, je lui ai dit que c'était évident que ça n'existait pas. Puis là, il a repris un regain de vie un peu, là, il voulait savoir... Bon, on l'a sauvé, on a entendu qu'il tombe les patates, il mesurait si il était bien bâti. Avant de le transporter à l'hôpital, à l'époque où je travaillais pour l'urgence santé. Mais l'humain, ce qu'il a à faire bien souvent, on parle de solutions faciles. Moi, j'aime bien la facilité, mais habituellement, ça revient un peu à ce que tu faisais tout à l'heure, c'est que la majorité des personnes recherchent ce qui est méritoire, ils veulent travailler. Une solution qui semble simple, c'est une solution qui n'a pas de valeur. C'est comme de dire, tu as des ulcères d'estomac, calme-toi donc. Oh non, non, ça me savait un rapport. Bon, tu n'as qu'à te calmer. Puis les usages ne guériront pas, mais ils ne s'aggraveront pas. Après ça, on peut peut-être donner des choses pour guérir, mais tu n'en auras plus. C'est très simple. Oui, mais c'est vrai que c'est simple de dire à quelqu'un de se calmer, mais ce n'est pas si évident que ça pour le faire. C'est pas ça qu'il y a l'affaire. C'est parce que c'est simple, la solution, l'humain ne voudra pas l'appliquer. Moi, je te garantis que si tu me payes 1 000 $ et que deux fois par semaine, tu viens faire des exercices chez nous, et à chaque fois je te parle du calme, au bout de 6 mois, tu vas être guéri et tu vas vanter les techniques et tout, etc. Tu as trouvé que ça vaut le prix. Alors que 2 semaines avant que tu t'inscrives, je t'ai dit, t'as qu'à te calmer. Ça ne valait rien pour tout. Bon, l'être humain, tout ce qu'il a à faire, est-ce que pour se libérer de l'illusion cosmique, on doit désapprendre des choses? Non. Est-ce qu'on doit apprendre de nouvelles façons de voir? Non. Même trop compliqué. Ça peut fonctionner, c'est-à-dire quand vous serez suffisamment écœuré d'apprendre, à un moment donné, il y aura tellement de brouhaha dans ce qu'on aura appris, ça sera tellement cacophonique qu'on finira par passer à une autre étape qui sera celle de la perception d'une réalité un peu plus ajustée. Comme tout à l'heure, je l'ai dit, quand les gens vont sortir à la fin, il y en a qui vont sortir en disant « Waouh, fait froid dehors, hein? » Ça change pas de dire ça. Tu te plains. Bon, mais ça change quoi? Il fait ses bras, il fait froid. C'est pas le contraire. Mais ta perception, elle est originale. Bon, à quoi sert l'homme? Parce que l'humain, dans sa communication, passe son temps à se plaindre. Ce qu'il communique, n'ayant pas d'essence constructrice, et bien souvent n'est qu'une expression de l'ego, il y a une mémoire ici qui veut s'exprimer, elle s'exprime, c'est sans s'écouter, elle se nourrit et elle continue. Plus les gens vont se plaindre qu'il fait froid, plus les gens vont détester l'hiver. Plus les gens vont détester l'hiver, plus les gens vont évidemment fuir l'hiver. Plus ils vont fuir l'hiver, plus ils vont se retourner vers l'été. Puis ça crée un processus d'illusion totale. Il y a d'autres personnes qui font l'inverse. Quand tu as apprécié le ski, tu n'as pas hâte à l'été. Bon. Et il y a des humains qui vont dire, oui, ben c'est faux ce que tu dis là. Moi, j'aime l'hiver, j'aime l'été. Oui, tu chiales aussi l'hiver, tu chiales aussi l'été. Bon. Quand il pleut trop, il pleut pas assez, il fait trop froid, il n'y a pas assez de neige, il y a trop de neige, il y a trop de giga. Tu comprends, il va. Tout ce qu'on a à faire, simplement, c'est quand on va sortir d'ici ce soir, eh bien, on sort. Si on a à parler, parlons donc de quelque chose qui peut être créatif, constructif, du moins conscientisant pour soi. Sinon, fermons-la. Et là, il y a des personnes qui vont dire, « Ouais, mais c'est plate. » Je le sais que c'est plate. Il y a énormément d'expériences de chiolage chez vous qui ne pourront pas se nourrir. Les journaux, ils vont passer de 100 pages à un demi-paragraphe. Qu'est-ce que tu en as à foutre? Ben, il n'y a plus d'animateurs de télévision, de radio. Qu'est-ce qu'on en a à foutre? Rien. Les militaires, c'est la même chose, les militaires. Il n'y a plus de guerre. S'il n'y a plus de guerre, il n'y aura plus d'industrie de l'arme, il n'y aura plus de soldats. Ça va créer du chômage, ça va... C'est vrai, faisons des guerres. C'est de la pollution. Si on commence à forcer une usine à moins polluer, ça va créer des problèmes, ça va créer des chômages, il y en a qui vont faire faillite. Crème, on est en train de mourir. Enfin, je m'en fous royalement. Bon, l'être humain là, qui travaille chez GM à poser des pièces, là, c'est des robots qui devraient faire ça. Ils vont tuer du chômage. Mais qui se couche du chômage? À un moment donné, il y aura suffisamment de temps hors humain de disponible pour que l'humanité cesse de penser à des frivolités, puis commence à un moment donné à se servir de sa matière pour l'entretenir. Car tout le monde va... Il y a tellement de travaux qui ne devraient jamais être faits par des humains. L'homme n'est pas sur Terre pour travailler. Bon, à un moment donné, peut-être qu'il y a un dieu quelque part, parce qu'il y avait... J'ai rencontré une maîtresse ailleurs, il y a l'autre champion de terre, il dit à l'humain, il m'occupe plus de vous, vous allez devoir travailler, puis les femmes vous allez devoir enfanter dans la douleur. L'humain considère que ça fait partie intégrale de sa vie, c'est de l'illusion de passer, quoi, 90% de sa vie à travailler. On dit, oui, mais j'ai hâte à ma retraite. Faites-vous-en pas, messieurs, surtout, à votre retraite, allez vivre 10 ans et mourir après. Bon, d'ennui. L'humain n'est pas fait pour travailler parce que l'humain continue à supporter l'illusion d'un monde de travail. Nécessairement, l'humain continue à travailler. Je ne dis pas qu'on change ça du jour au lendemain. Disons qu'on change ça du jour à l'après-demain. Sauf ce que tu disais tantôt, on peut changer du jour au lendemain, c'est une attitude. Oui. De sortir dehors puis de ne plus chialer ou de ne plus porter de commentaires sur la température. Pour toi, ça va déjà tout changer. Ça change juste l'attitude. C'est une attitude, c'est pas un principe. Ou... Non. On doit changer la perception qu'on a des choses avant de vouloir travailler sur la matière. Pourquoi? Parce que si on a une perception fautive des problèmes ou donc des choses, et on veut changer les choses pour améliorer notre perception, bien, on sera toujours en train de changer tout ce qui est autour de nous. On ne peut pas devenir satisfait. Par contre, si on change déjà la façon dont on voit les choses, moi, je peux dire, par exemple, j'ai un four micro-ondes, et puis le micro-ondes, bien, il fonctionne simplement à puissance maximale, il n'y a pas de niveau, et puis le minimum, c'est 1 minute, maximum 15 minutes, fait que si je veux mettre une tranche de pain là-dedans, j'en ai 1 minute, il faut que je calcule moi-même, il faut que j'ouvre la porte pour l'éteindre, ben non, il faut que je mette cancel. Je ne chiale pas de mon four à micro-ondes. Je mets ma tranche de pain, je l'allume, et puis je l'éteins, et puis je la prends. La journée qu'on met un four à micro-ondes qui est différent sur le marché, je ne chiale pas contre mon four à micro-ondes. Quand j'ai la capacité de le vendre et d'acheter l'autre, ou de le jeter et d'acheter l'autre, ou en tout cas bref, je le fais. Et je ne chiale pas, je n'ai même pas besoin, si j'invente les fours à micro-ondes, je n'ai pas besoin de chialer pour en inventer un meilleur. Une fois qu'il est inventé, on le met sur le marché de façon à ce qu'on commence à s'en servir. On n'attend pas d'en faire un parfait, on ne mettra jamais rien sur le marché. Et par la suite, je ne chiale pas. Et c'est logique d'améliorer les choses. Mais là, on est contrôlé, habité, possédé par un ego qui lui contrôle le corps, qui lui contrôle la parole, qui lui contrôle la pensée. Mais qui ne contrôle pas la conscience. Qui ne contrôle pas la conscience, peut-être, mais qui contrôle ce que j'ai dit, la pensée, la parole. Peut-être. OK, sûrement. Merci. Il est gentil. Pour changer une attitude, comme on disait tantôt, si on arrête de se plaindre en sortant dehors de la température... Pas qu'on arrête de se plaindre. Il faut qu'on se plaigne plus. OK, qu'on se plaigne plus. L'ego, lui, va vouloir continuer à se plaindre. Parce on que l'ego, le... ouais, on s'en fout, mais on, ouais, on peut être l'ego, puis... C'est l'ego qui va continuer à faire aller la bouche, faire aller à parler. Mais toutes les personnes ici sont suffisamment contrôleurs de leur conscience et contrôleuses de leur conscience pour que ça n'arrive pas. C'est sûr que de temps en temps, ils vont retomber dans l'illusion parce que leur conscience ne sera plus suffisamment présente chez eux. Mais quand un individu, si on programme l'ego à nous avertir chaque fois qu'il déblatère, il va le faire, c'est mémoriel, c'est mécanique, c'est programmatif. Bon, est-ce qu'il faut donner à l'ego une, quand on dit une carotte, ou une qu'est-ce que ça va lui rapporter? Qu'est-ce que ça va rapporter à l'humain d'être capable de se débarrasser de l'illusion de... Qu'est-ce que ça va rapporter à l'animal humain? La dilution progressive de ses souffrances, la diminution progressive de ses peurs, de ses craintes, et à un moment donné, ce que l'animal humain, dans ses archétypes, recherche, il aura quelque chose de similaire, mais pas comme il le pensait, évidemment, il l'a coloré. Qu'est-ce que ça va donner à l'être humain? Bien, l'être humain va cesser d'être dans un corps physique, dans une société, dans un système, dans un cadre tout court, qui est totalement, souvent, absurde par rapport à ses visions. Regardez ceci. Parce que l'être humain réincarne des mémoires de l'avenir, et des mémoires du passé et des mémoires du présent, 24 heures sur 24 tout au long de sa vie, l'être humain est toujours confronté à découvrir que c'est telle chose, là, mais c'est bien mal fait, c'est bien stupide. Comme si il pourrait dire « maudit 20e siècle mal fait ». Parce qu'il a déjà une gustation de quelque chose de meilleur. Puis en même temps, l'humain a peur d'avancer parce qu'il est retenu par toutes ces mémoires qui font que l'humanité évolue toujours très lentement. On va même dire, plus une personne est âgée, plus c'est difficile qu'elle change. Et même des personnes âgées qui sont tellement stéréotypées qu'ils vont dire, « Oui, mais moi, à mon âge, là, je ne peux pas changer ça demain. » On ne vous demande pas de rien changer, on vous demande de cesser de vous servir de vos mémoires. Quand je dis « servir de ses mémoires », ça ne veut pas dire « bon, c'est d'accord, je sais plus où je reste ». Alors, tu sais où tu restes, mais là, tu vas dire « ouais, bon, ben là, on part d'ici, puis je reste à Saint-Eustache. C'est loin, hein? C'est... Tu parles pourquoi, là? » Exactement comme je connais des personnes qui sont là, puis « hey, avoir su qu'on allait magasiner, j'aurais amené mon argent. » C'est évident. Avoir su. Mais si tu dis « avoir su », c'est que tu ne le savais pas, donc c'est évident que tu ne les as pas amenés. Ferme-la. Ou encore, « moi, là, je reviens plus ici. » Fait bien des fois que je le dis, mais là, je reviens plus, là. Fais ça. Fait bien des fois que tu le dis. Bon, c'est bien simple. Il y a des personnes qui sont continuellement en train de chigner, de chialer, mais ça, c'est tout le monde. Je peux donner des exemples. J'ai connu, moi, un de mes amis qui avait une amie. Et cette amie-là, quand on voyageait, elle était toujours à la scène. Bon, puis il fallait jamais acheter ci, il fallait jamais acheter ça, puis fait, bon, tout le temps. Quatre fois, il était là en Floride, quatre fois, il revenait en disant, « jamais. » La cinquième fois, il revient, il retourne en Floride avec elle. Puis là, je lui ai dit, « Écoute bien, ça fait deux fois que je viens en Floride avec toi, tu as toujours la même amie, tu es toujours en train de me parler de tous ces problèmes. Tu la connais. » À la façon dont tu m'en parles, je considère que tu la connais bien. Il dit, oh oui! Si tu la connais bien, puis que tu acceptes toujours de voyager avec elle, qu'est-ce que tu as à chioler tout le temps? Tu sais qu'elle va être à la scène, tu sais tout ça. Tu espères toujours qu'elle aura muté pendant le voyage en avion. Amène la pub ou ferme ta boîte. C'est simple. Comment facile la vie deviendrait si on finirait par dire, bon, et toutes les fois que je bois, je deviens chaud. Crime, cesse de chialer que t'es chaud ou bois plus. Un ou l'autre. C'est tellement facile. Non, l'humain va boire, puis l'humain va chialer, puis l'humain va se sentir coupable d'avoir bu. L'humain, il sort dehors, il y en a plusieurs, l'hiver arrive, ils sortent quand même en souliers. Ah, mais un matin, il me semblait qu'il pouvait faire beau. Christy, on est rendu dans des époques où il fait froid. Oui, mais je ne savais pas. Pourquoi tu dis le matin, il dit rien? Dis donc rien. Sais-tu la quantité de silence qu'on va récupérer dans une vie si on cesse de toujours commenter inutilement tout ce qui se passe? Hey, as-tu vu comment c'est bien décoré? À quoi ça sert? Bon, On parlera plus seulement. Puis, ça change quoi? C'est comme l'humain qui dit, ben oui, mon sœur, on prend un peu de pelouse et nous ressentir. Ben, tu vas mourir. Tu vas mourir si t'arrêtes de parler. Faites-en pas. Faites-en pas. Je parle seulement quand on me pose des questions. Pas trop pire. Mais si on ne parlait plus, comme tu dis là, si on parlait juste pour dire des choses intelligentes, en guillemets, en tout cas, des choses utiles. Ah, utiles, c'est mieux. Utiles. On parlerait plus. Ah bon? Parce que monsieur ici prétend qu'il n'y a absolument rien d'utile dans la communication chez l'homme. L'humain n'a rien d'utile à dire. Quand je dis on parlerait plus, j'exagère, mais on dirait peut-être 5% de ce qu'on dit dans une journée. Puis encore. C'est comme le bonhomme qui dit, si je donnerais des coups de poing uniquement quand c'est nécessaire, par exemple quand quelqu'un m'attaque, bien, il y a 95% des coups de poing que je pourrais plus donner. Parce qu'il faudrait que je cesse de battre ma femme, il faudrait que je cesse de battre mes enfants, il faudrait que je cesse de battre mon char. Ben c'est ça, t'as raison. Rappelez ça, t'as raison. L'humain va se lever un matin, va regarder dehors, puis il dira rien. S'il pleut, il va s'habiller pour la pluie, s'il neige, il va s'habiller pour la neige. S'il a neigé énormément, il va s'habiller pour balayer son automobile. pour pelleter ou pour souffler. Mais l'humain ne sera pas toujours en train de se confronter à un univers plat. Ah, merde, faut que j'aille pelleter. Ça change quoi? Ben, change quoi? Veux-tu aller pelleter, toi? Ça, c'est la raison des imbéciles. Quand tu essaies de leur dire, oui, mais là, tu viens de dire ça pour qui? Oh, c'est bien, toi. Mais pourquoi? Quoi? Qu'est-ce pas? Pourquoi? Si je suis un extraterrestre, que j'arrive sur la planète Terre, puis j'écoute ce qu'on dit, je veux dire franchement, j'ai l'impression que le vocabulaire, le langage a été inventé pour rien ici. Il sert à quoi? Il sert à dire que t'es laid, il sert à dire que t'es beau, il sert à dire quoi? L'humain... Il faudra enlever tous les qualificatifs. Il faudra enlever toutes les utilisations frauduleuses, c'est-à-dire toutes les utilisations de la parole contre nous, ça nous libérerait déjà de 99% du mensonge ou de l'illusion cosmique. Pourquoi? Parce qu'on se dresse nous-mêmes, on s'éduque nous-mêmes, continuellement, à travers un monde qui est bien. Moi, je prends des personnes qui n'ont jamais vu la neige, je les mets ici dans la neige, bien habillées, et ils sont en extase de voir que de l'eau est capable de se cristalliser en blanc, se porter par de l'air, devenir, bon, génial! Je prends des personnes, je les amène dans les pays chauds, ces personnes âgées devant un palmier qui est tout croche avec des cocotiers après, puis ils sont en extase. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas en train de tout démolir. Sauf que quand tu t'habitues au palmier, à un moment donné, qu'est-ce que tu fais avec les palmiers? Ils coupent, ils te couillent, ils t'empêchent de voir l'océan. Quand tu es écœuré de l'océan, qu'est-ce que tu fais? Ben, tu bâtis. Bon, l'humain n'est pas satisfait. On peut améliorer des choses. Une automobile qui ne démarre pas, par exemple, dont le moteur ne démarre pas l'hiver, tu chioles pas. Ça sert à quoi de chioler? Tu es en train de perdre ta vie. C'est de l'illusion. Tu danses une petite religion automobile illusoire. Bon, c'est comme de dire, ceux qui ont le sida, c'est Dieu qui vous punit. Mais c'est la même chose. Encore une petite religion. Mais quand bon. les pieds gelés, les mains gelées, puis t'es en train de faire partir ta maudite bagnole, va partir, c'est pour l'illusion. C'est pas une maudite bagnole. Pourquoi tu l'as achetée? Pourquoi l'as-tu pas changée? Pourquoi l'as-tu pas entretenue? Pourquoi l'as-tu pas fait la mise au point? Fais-le ou ferme ta boîte. Mais ça sert à quoi de te revivre sur l'espoir? Ils sont partis. L'as-tu connecté hier? Non, mais il faut pas assez fait à soir, c'est sûr. Quand tu arrives le lendemain matin, ben là, tu te les fesses, tu t'essayes, ça fait gni. Maintenant, pourquoi chiales-tu? Ça change quoi? Faut que tu appelles une remorqueuse faire survolter ta batterie, bon, ça va. Faut que tu appelles un voisin. Tu n'as pas acheté de câble pour survolter, parce que, tu as vu souvent, mais c'était cher, c'était 25$, c'était 30$. Ou tu as acheté ceux à 12$, des petits fils, tu sais, c'est bon pour survolter des batteries d'un volt et demi. Là, ils font des mains quand tu t'en sers. Tu stationnes toujours ton automobile de façon à ce que la batterie soit juste assez loin pour que les câbles arrivent fort. Bon. Mais on sait ça. On est sur la planète depuis assez longtemps pour savoir ce genre de choses. C'est pas notre tuyau qui va changer l'hiver. Et puis, la journée qu'il n'y a plus rien à faire, l'auto, elle est bon, tout est mort. Ben, tu prends une voiture taxi. Pour la quantité de fois dans l'année où tu prends un véhicule taxi, c'est pas ça qui va te ruiner. Puis là, on chiale, en voyons donc, on continue à vivre. Tu connais la sainte qui s'appelle Merde? Oui. Sainte Merde, continue à vivre. Tu dois, l'été s'en vient, l'autre hiver aussi, mais tout ça, ce sont des étapes planétaires qui font partie d'une planétologie, d'un système planétaire écologique qui ne te regarde pas. Il neige pas pour te faire chier. Bon. Il ne pleut pas pour te mouiller. Ça ne sert à rien de toujours être en frustration comme si... Alors, tu dis... Il faudrait prendre la vie comme la bonne femme qui fait l'annonce, je ne sais pas si tout le monde l'a vu, là. Du petit gâteau feuilleté vachon. Non, c'est encore pire, parce qu'elle est là, ni. Évidemment, elle n'a pas marché, et prenez ce gâteau, tout va bien. Clic, carie. Ça ne le dit pas, par exemple. Non, mais au moins... Les clés étaient dans l'auto, puis tout allait mal, mais qu'est-ce que je fasse? Moi, est-ce que c'est comme ça que je l'avais perçu? Non, c'est beaucoup mieux que ça, parce que les clés sont dans l'auto, puis tu te ramasses pas à te plaindre. Elle n'a pas apprécié son gâteau, il a fallu qu'elle nous conte toute son histoire pour se donner l'autorisation de bouffer son gâteau. OK, c'est une publicité, mais l'humain fait ça quand même. L'humain, bon, ce qu'on doit faire, c'est pas de vie, de voir la vie comme étant belle. Je dis, quand tu es dans ton auto tout gelé, moi, ce que je te dis, c'est que quand tu es dans ton auto tout gelé, c'est pas un que le mâchoire foutu de chauffe. Ça n'a rien de parler pour rien. Bon. Tout ce que tu vas dire... Ça défoule. Oui, non. Ça permet à l'ego de s'exprimer, c'est-à-dire que ton ego se sert de l'occasion pour pouvoir... C'est assez d'énergie, tu peux te booster. Qu'est-ce que ça... Oui, mais qu'est-ce que tu survoles? Tu survoles simplement ton orgueil de libre-arbitre, ton orgueil de puissant. Crime, c'est moi! L'univers devrait pas faire ça. Bon, c'est ça que ça survole. Tu restes dans l'illusion. Tu épaisis des murs d'illusion. Quand ça ne va pas, ça ne va pas. Tu fais en fonction que ça aille mieux. Tu te démerdes. Mais l'humain, tout ce qu'il dit est retenu contre lui. C'est ce qui crée son illusion. La journée que tu prends un chauffeur de taxi qui est maintenant un haïtien, qui devait faire 3 fois le tour de la ville pour te débarquer quelque part, puis qui conduit extrêmement lentement, puis qui écoutait du reggae à plein, puis qui fumait au coton. Quand tu sors de là, tu te dis « crime, les Noirs sont, t'as rien compris pantoute. » Cet événement-là est comme ça. Puis t'es plus dedans, là. T'es plus dedans. Puis quand t'es dedans, quoi ça sert de crier? Sors de l'autotaxi ou ferme ta boîte. Fin! Oui, mais il devrait baisser la musique, il veut pas l'écouter. Arrête, débarque, paye-les, prends-en un autre. Ah, mais je vais arriver en retard. On est toujours en train de chialer pour rien. C'est ce qui nous met totalement dans l'illusion. Peux-tu voir le monde tel qu'il est? T'es toujours en train de mettre des mots déformateurs en avant, déformés. C'est tellement simple. On va faire une pause. Pendant la pause, essayez voir. Puis vous posez des questions sur le sujet ou sur n'importe quel sujet, puis Charles va les lire. En passant, si ça vous intéresse de temps en temps, vous n'aimez pas écrire, de poser des questions de vive voix, vous ne vous gênez pas. Mais pas pendant la pause. Tantôt.